faut que je me mette bien. Faut que je mette bien ma mère, mes hommes de tête, de couilles et de meufs. Chacun son temps, le temps c'est de l'argent. T'as vu que les temps sont durs. Donc t'étonnes pas que les tensions durent. Dans nos rues, on a du mal à rire. Donc on fume, boit, baisse, tire. On a pas de mal à le dire. On a la maladie de la bigrave, pas de crève. Chez nous on brûle, 9-3-9-4, pas de trêve. Ça fait un bite, c'est la crise. Mon rap, ma rime pousse au cri. Car la souffrance ne pousse à les cris crus dans mon cri grave. Donc rap, trop de copinage. Mon hip hop ne fait pas d'enfantillage. Tout ça me paraît futile. L'État n'en a rien à foutre. On fait un choix entre la musique et le foot. Hip hop, où es-tu? Si c'était mieux avant, moi je fais en sorte que ce soit mieux maintenant. Hip hop, hip hop, où es-tu? Pareil que le rap est mort. Normal, y'a trop de pourriture. L'industrie du disque est pourrie. J'dis pas ça pour rire, faut réussir. Hip hop, hip hop, où es-tu? Pareil que le rap est mort. Normal, y'a trop de pourriture. L'industrie du disque est pourrie. J'dis pas ça pour rire, faut réussir. Faut que je réussisse, que je saisisse la chance que la vie me donne. La merde, j'ai grandi dedans. Ici on a la haine, c'est la merde. Y'a personne qui nous aide, à croire que y'a personne qui nous aime. Viens avant l'âge, noir et fier de l'être. Être ou ne pas être, moi je veux être pour vous la mettre. Maître de cérémonie, à la rue je suis abonné. Je veux ma monnaie, ouais je bitch, je te baisse pas sans bonnet. Approuvé que le flow est dur à trouver. Faut que je trouve la faille, et avant que la faute je vais me trouver. Faire des lobes. Pédale, voir les frères véleux, augmente le level, j'fais peur. OMC VRE, le missile par VRE. J'éclate tous les verrous, c'est pour le crew 9-3-9-4, tout le monde c'est sévéro. Hip hop, où es-tu? Si c'était mieux avant, moi j'fais en sorte que ce soit mieux maintenant. Hip hop, où es-tu? Pareil que le rap est mort, normal, y'a trop de pourriture. L'industrie du disque est pourrie, j'dis pas ça pour rire, faut réussir. Hip hop, hip hop. Où es-tu? Pareil que le rap est mort. Normal, y'a trop de pourriture. L'industrie du disque est pourrie. J'dis pas ça pour rire, faut réussir. Hip-hop, où es-tu? Pareil que le rap est mort. Normal, y'a trop de pourriture. L'industrie du disque est pourrie. J'dis pas ça pour rire, faut réussir. Hip-hop, hip-hop, où es-tu? Pareil que le rap est mort. Normal, y'a trop de pourriture. L'industrie du disque est pourrie. J'dis pas ça pour rire, faut réussir. Hip-hop, hip-hop, où es-tu? Pareil que le rap est mort. Normal, y'a trop de pourriture. L'industrie du disque est pourrie. J'dis pas ça pour rire, faut réussir.